بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Dis, ô vous les mécréants, je n'adorerai jamais ce que vous adorez, et vous n'adorerez certainement pas celui que j'adore. Et oui, jamais je n'adorerai ceux que vous adorez. Et vous non plus, vous n'adorerez pas celui que j'adore. À vous votre culte, et à moi le mien.